C'était vendredi, dans la matinée d'octobre infiniment pure, qu'il était gai ce petit marabout sous sa blancheur de chaux toute fraîche, au milieu des cactus et des vieux figuiers de la montagne. Les groupes de femmes arrivaient de différents sentiers, méditatives, repentantes, leurs pieds nus recouverts de poussière. Elles pénétraient une à une par la porte étroite, jetaient aussitôt une pincée de poudre d'encens qui flambait dans un fourneau de terre cuite, allumaient de petites bougies multicolores en haut d'un monticule de sable, ajoutaient de l'huile à la veilleuse verte qui brûlait sans trêve pour la guérison des malades. Elles se courbaient enfin pour baiser le catafalque avec ferveur, et dans le recueillement le plus profond, on les entendait murmurer leurs prières. Et puis, silencieuses comme elles étaient venues, elles ne tardaient pas à se retirer, sans oublier de jeter leur aumône dans le grand foulard blanc qui s'étalait au seuil de la maison de la gardienne, une toute petite maisonnette bleue, non loin de là, parmi des tombes. Seule, sous le dôme du sanctuaire, une femme priait encore, qui était arrivée depuis l'aube. Bien des pèlerines étaient venues et reparties. Mais la prière de cette dernière semblait plus longue, plus fiévreuse aussi, agitée d'une angoisse qui tordait les flancs, contractait la face amaigrie de la pénitence sous son voile de mérinos. Lorsqu'il n'y eut plus personne autour du catafalque, elle promena un regard autour d'elle comme soulagée d'un grand poids. Elle se livra sans contrainte à la supplication ardente. À voix haute maintenant, la gorge serrée, Aïcha invoquait le grand, le clément, le miséricordieux. Elle pria longtemps. C'était sans doute pour que lui fût pardonné son geste que seule une jalousie folle avait dicté, pour qu'elle fût exorcisée de ce djinn qui l'avait poussée à vouloir la mort de cette amie si généreuse, qui avait su lui faire la charité sans blessure, comme ses ancêtres, les vieux marabouts, savaient la faire. De cette lalla de race pure qui, un soir de noces, avait négligé les ivresses qui l'attendaient pour se pencher sur sa douleur. Elle pria jusqu'au dessèchement de sa poitrine. Elle se sentit quelque peu fortifiée. Elle se leva pour sortir. Au dehors, ses yeux clignèrent à l'aveuglante clarté du soleil. Un silence profond régnait autour du petit marabout abandonné. C'était déjà la torpeur de midi sur les pierres tombales, les figuiers et les cactus. Aïcha s'assura qu'elle était bien seule. Elle se dirigea vers l'endroit le plus écarté de l'enclos. Une langue de terre entre deux rocs, tout autour des cactus, en bas dans une flambée de lumière, Sidi Bou Médine et la grande maison blanche. Elle s'assit en carré, saisit au hasard un gros caillou de silex et se mit à creuser vite, vite, avec autant de hâte que le lui permirent ses forces déjà défaillantes. Elle tira de sa ceinture une lame qui brilla comme de l'argent, et dans le trou, elle jeta le yatagan avec une sorte de fureur. Quand ce trou fut comblé, elle s'agenouilla comme pour prier sur une tombe. Dans un suprême effort, elle rassembla tout son courage, car la tâche la plus pénible pour elle ne s'arrêtait pas là. Au moment de l'entreprendre, la jeune fille blêmit encore et deux larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. Elle leva ses yeux pleins de fièvre vers le ciel immense. Elle se tourdit les bras comme sous une douleur physique. Bientôt sa bouche s'entr'ouvrit pour jurer son renoncement à l'amour de Diden. Elle jura sur le nom du marabout qu'avec le yatagan souillé du crime de son père, elle venait d'enterrer son unique espoir. Et puis sa tête vacilla, elle secoua l'air de ses deux mains crispées, le front en avant, face à Sidi Bou Médine, elle s'abattit sans connaissance. Ce fut la gardienne du marabout qui la ramena chez elle à Dodane, bientôt rejointe en chemin par Messa Wada qui s'était inquiétée du retard de sa fille. Lorsqu'elle revint de son évanouissement, elle était couchée sur son matelas dans le gourbi. À son chevet, deux femmes chuchotaient entre elles à voix basse comme de vieilles connaissances. C'était sa mère et la femme de Diden. La Ladzulika était venue en effet demander des nouvelles de la gazelle, qu'elle n'avait plus revue depuis le soir du bain. Elle avait apporté de belles oranges et des pâtisseries au miel, pourvu que la petite délaya sa salive, avait-elle dit à la vieille Messa Wada, qui pleurait de reconnaissance. Et maintenant ma mère, assez pleuré. Nous allons tâcher de la guérir. Oh, si tu faisais cela, bah, là, là. Ton esclave, je deviendrai. Matin et soir, je mêlerai ton eau aux prières d'une mère. Bois, je n'ai que ce petit œil. Alors dis-moi ce qui lui fait mal, Mama Messa Wada, à ta gazelle. Mais Mama Messa Wada ne savait rien. Sa fille ne lui avait jamais dit. Elle l'avait vu un matin revenir de la ville, se jeter sur ce matelas, et elle pleurait. Elle se déchirait les joues avec des berceuses. Et elle avait coupé la nourriture de son gosier. Il ne voulait plus sortir. Elle qui aimait tant aller tous les soirs à la fontaine, d'où elle revenait pleine de gaieté comme une grenade. Je ne sais pas, Yalala. Ce mauvais œil qui est entre en elle n'a plus voulu la quitter. Et ma maman Messawada balance la tête. C'est sa manière d'exprimer la désolation. Bah, laisse-moi seule avec ta gazelle. La fille des marabouts, assise sur un coin du matelas, caresse avec amour le front de la bédouine. Dis-moi, petite amie, dis à ta sœur, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui t'a frappé? Nous te guérirons. Guérir, soupira la malade. Oh, guérir, ce n'est pas un mal, c'est une brûlure, tenace comme la brûlure des moissons. Elle cuit, elle aveugle, elle perd une musulmane. Que Dieu éloigne, prononce la pieuse Zulika. Aïcha ferme les yeux. La voix douce à nouveau l'enchante. L'étreinte affectueuse a peu à peu raison de son humeur farouche. D'ailleurs, elle est bien abattue cette fois, et elle n'aura pas la force de résister longtemps. C'est dans une sorte de fascination qu'elle murmure « Ya là là, il y a 8 jours, j'ai voulu t'assassiner. » « M'assassiner, » songeait Zulika, « et pourquoi ?» Elle avait eu un mouvement de recul instinctif qu'elle réprima aussitôt. Elle revint vite à cette tranquille assurance de ceux qui possèdent la foi et qui se sentent protégés par toute une lignée de croyants. Mais Aïcha ne respirait plus d'angoisse. La voix douce s'est têtue. Elle croyait que son amie se préparait à la repousser ou qu'elle méditait quelques phrases pour la maudire. Aussi la regardait-elle avec des yeux embués où passait toute son âme suppliante. « Ma sœur, » dit-elle tout bas, « tu me pardonnes ?»« Oui, je te pardonne, pauvre petite. » dit tout à coup Zulika en l'entourant de ses 2 bras et en approchant encore son visage où se peignit une compassion immense. « Seulement tu vas me le dire. »« Pourquoi voulais-tu me tuer ?» Aïcha hésita un moment. Puis la voix douce recommençait son bercement magique. « Parce que, » dit Aïcha, « parce que, et enfin dans un élan décidé, parce que j'aimais ton mari. » Cette fois Zulika blêmit. Il lui fallut un effort stoïque pour contenir sa stupeur, pour étouffer le sentiment qui éclatait en elle. « Mon mari » répéta-t-elle. « Oui, » continua la béduine, résolue à tout avouer. « J'étais enfant quand je jouais avec Diden, tout le jour. Devenue grande, je me suis attachée à lui comme la branche d'un jasmin autour d'une vigne. Il m'avait promis mariage et je l'ai cru. Cette parole fut la nourriture de ma jeunesse. Elle fut mon seul bonheur dans ma vie amère. Elle fut l'étoile dans le noir de mon gourbi. J'avais péniblement retiré le seau du puits. Au moment où je croyais le saisir, la corde tout à coup s'est rompue entre mes mains, je suis tombé à la renverse, et depuis ce jour, je ne me suis plus relevé. » Voyant que Zulika se retirait d'elle, qu'elle semblait vouloir relâcher son étreinte, Aïcha s'interrompit soudain. Elle tendit ses mains suppliantes et dans un hoquet qui l'étranglait à demi. « Ma sœur, reviens à moi, » dit-elle. « N'aie aucune crainte. Je l'ai enterré ce matin, là-bas, au marabout, cet amour, avec le yatagan maudit. » Et puis la bédouine redevint livide. Il sembla qu'elle allait de nouveau s'évanouir. « Pauvre, pauvre petite amie, » dit Lala Zulika, et dans son regard se lisait la plus horrible souffrance. « Avoir crainte de toi. Oh non, seulement je ne savais pas. Diden était ton bien avant qu'il ne devienne le mien, et c'est moi qui te l'ai pris. Non, non, la fille des marabouts saura racheter sa faute, dût-elle lui coûter les larmes de sa vie. »